1685, Louis XIV a réussi son pari fou, construire le plus fabuleux palais au monde. Mais le bonheur est de courte durée, car un inavouable secret où se mêlent amour, argent et pouvoir va jeter tout Versailles dans un mortel tourbillon d'intrigues et de trahisons. Le dernier secret de Versailles, le nouveau best-seller de Jean-Michel Rioux, un roman Flammarion. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le Pérugin, maître de Raphaël, fait actuellement et jusqu'au 19 janvier l'objet d'une exposition au musée Jacquemart-André de Paris, boulevard Haussmann. Franck Ferrand l'a déjà visité. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. En effet, il y a quelques jours, nous avons eu la chance de découvrir cette exposition en compagnie de Serge Legas, notre invité d'aujourd'hui. Et je vous prie de croire que nous avons passé un très beau moment. Les œuvres, que dis-je ? Les chefs-d'œuvre exposés à Jacquemart-André sont merveilleux. Nous allons vous les détailler dans un instant. Ce sont vraiment des, j'allais dire des toiles. Non, ce ne sont pas des toiles. Hein. Ce sont des tableaux qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et alors, ils sont installés dans une scénographie très réussie, signée Hubert Le Gall, qu'il faut saluer, car vraiment, là, il y a un accord parfait entre le cadre et l'œuvre, si je puis dire. Le Pérugin, vous l'avez dit, était le maître de Raphaël. Alors moi, je vais commencer par vous parler de celui-ci et puis nous évoquerons celui-là avec Serge Legas. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Amandine sur les origines de la Sainte Barbe. Ah ben ça tombe bien puisque nous sommes la Sainte Barbe, si je ne m'abuse aujourd'hui. Pour le moment, je vous propose de nous rendre à Urbino sur les traces d'un des plus grands artistes de tous les temps. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Que de qualités réunies dans un seul jeune homme. La beauté éclatante, la grâce, la gentillesse, l'intelligence et puis surtout évidemment un don à couper le souffle. Voilà ce que nous dit Vasari. Vous savez, il faut toujours prendre un peu ce que raconte le biographe des grands artistes de la Renaissance italienne avec des pincettes, mais tout de même, après tout, c'est la Bible, n'est-ce pas ? C'est la Bible des historiens de l'art. On vit clairement dans la personne, non moins excellente que gracieuse, de Raphaël, nous dit Vasari, à quel point le ciel peut parfois se montrer généreux et bienveillant en mettant, ou pour mieux dire, en déposant et accumulant en un seul individu les richesses infinies ou les trésors de ses innombrables grâces, qui sont de rares dons qu'il ne distribue cependant que de temps à autre et encore d'habitude à des personnes différentes. Et bien là, tous ses dons, tous ses grâces, tous ses talents, il les a déposés dans la même personne, dans ce Raffaello Santi ou Sanzio, qui était né un vendredi saint, ça ne s'invente pas. Il était né le 6 avril 1483 à Urbino, donc, où son père était déjà artiste. Et il était artiste au sens plein, au sens, on pourrait presque dire, polyvalent du terme à l'époque. Giovanni Santi, c'est son nom, était non seulement peintre, mais poète officiel du duc d'Urbino, Frédéric III de Montefeltre, un des princes les plus généreux de son temps. C'était un protecteur des arts. Hein. On est dans cette espèce de... On est dans ce moment incroyable ou pour des raisons qui sont un peu complexes à expliquer. Il nous faudrait alors là des heures et des heures pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, dans cet endroit précis. Mais dans tout ce coin d'Italie, vous avez l'impression d'un bouillonnement, d'une inventivité. Ce sont des trésors qui sortent littéralement de l'esprit et des mains, et donc des ateliers de tous les artistes qui sont là en véritable concentration. Raphaël est donc le fils de Giovanni, et il a vu pendant toute son enfance chez lui les médailles, les statues antiques, etc., qui sont celles du duc d'Urbino. Il faut vous dire que le duc d'Urbino s'est fait construire des palais incroyables, qu'il a une bibliothèque qui est la plus importante de son temps, tout simplement, et qu'il est notamment un grand spécialiste de littérature antique. Il lit Plutarque et il le commente d'ailleurs. Très tôt, le père de Raphaël va déceler chez son enfant ce don. Alors, vous savez, en même temps, vous connaissez peut-être des familles d'artistes. Quand un enfant naît dans une famille d'artistes, vous avez l'impression que les parents n'ont rien de mieux à faire que de guetter littéralement le moindre don artistique de leur enfant. Mais là, c'est exactement ce qui se passe. Et le père de Raphaël guette chez ce petit Raffaello le moindre talent, ben, il va être servi. Car le gamin se révèle tout simplement un petit prodige, il est tout à fait extraordinaire. Alors, il va subir un premier gros choc, cet enfant, à l'âge de 8 ans, quand il perd sa mère, en 1491. Et assez vite, il va devenir carrément orphelin, puisque son père meurt en 1494. Il a 11 ans à ce moment-là. 11 ans, ça en fait déjà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, ça en fait déjà d'une certaine manière un petit adulte. Ce qu'il faut vous dire, et c'est ce qui a sauvé Raphaël, c'est qu'avant de mourir, son père avait eu le temps d'assurer son avenir et notamment de le recommander à un oncle, un prêtre lettré, qui va s'occuper de lui, d'un petit peu loin pour tout vous dire, mais qui quand même va le faire entrer dans l'atelier d'un peintre d'Urbino qui s'appelle Timoteo della Vite. Et ça va être évidemment le facteur déclenchant. Cet enfant est né, vous l'avez compris, au milieu des œuvres, il est né dans un bain artistique, mais alors là, on peut dire que dans cet atelier, ce sont des talents inouïs qui vont éclore chez cette même personne. Il va d'ailleurs très vite trouver Urbino trop petit pour lui. Il part pour Pérouse, comme nous disons nous, Perugia, et il s'installe chez le peintre Pietro Vannucci. Pietro Vannucci, à l'époque, a une cinquantaine d'années. C'est un peintre très connu. Comme il habite à Pérouse, eh bien, on l'appelle le Pérugin. Et c'est comme ça, hein, c'est le nom qui est resté dans l'histoire de l'art. Ses œuvres sont connues comme celles du Pérugin. Alors, aux côtés de ce maître, on peut dire que Raphaël apprend énormément. Et dans la deuxième partie de cette émission, quand je vous aurai dit, et quand nous aurons demandé, surtout à Serge Lega, de nous dire qui était le Pérugin, vous allez comprendre pourquoi Raphaël était à bonne et même à très bonne école. Il apprend énormément, il se nourrit de tous les talents de ce maître. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre des œuvres du Pérugin qui seront par la suite attribuées à Raphaël, parce qu'évidemment, la célébrité de Raphaël est telle que tout ce qui ressemble de très près a pu être attribué à Raphaël. Alors qu'en fait, on désattribue petit à petit un certain nombre d'œuvres pour les réattribuer, pour les rendre à César en quelque sorte, et pour les réattribuer au maître, donc au Pérugin. Le contrat est signé le 10 décembre 1500, voilà une date facile à retenir. Il a donc 17 ans, Raphaël, et il devient le magister, hein, le chef d'atelier. C'est assez extraordinaire. Il va reprendre l'atelier de son père à Urbino, s'associer avec un autre artiste dont on dira un mot tout à l'heure, et il reçoit là une première commande très prestigieuse, le retable du couronnement de Saint-Nicolas de Tolentino. Saint-Nicolas de Tolentino était un moine qui avait été canonisé, et le retable est pour une église de Castello. En 1504, Raphaël se sent prêt à ce moment-là à aller voler vers d'autres horizons, en quelque sorte. Il est devenu une vedette, bien entendu, à Urbino, à Perugia, mais tout ça, c'est trop petit pour lui maintenant. Ce sont des villes de province, d'une certaine manière. La capitale des arts de l'époque s'appelle Florence. Alors évidemment, Raffaello n'a de cesse que de voguer, ou plutôt, en l'occurrence, de courir vers Florence. Des Vêpres de Monteverdi sur Europe 1. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, via Twitter, hein, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous reviendrons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du peintre Raphaël. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie du peintre Raffaello Santi, dit Raphaël. Alors, je vous l'ai dit, Florence, en ses tout débuts du XVIe siècle, est la cité des arts. De même que d'une certaine manière Milan, la Milan des Sforza et la cité des sciences et des techniques, si vous voulez. À Florence, chez les Médicis, on a une sorte de révérence extraordinaire pour tout le grand art platonicien, pour ce qu'on appelle l'académisme, on y viendra tout à l'heure avec Serge. Et il y a deux grands artistes, évidemment, de Florence à l'époque, hein, j'ai même pas besoin de vous les citer. J'allais dire non, on est jeudi aujourd'hui, si on était mercredi, j'aurais laissé les enfants deviner. Ce sont évidemment Léonard de Vinci et puis Michel-Ange, bien entendu, qui n'est que de 8 ans l'aîné de Raphaël. Raphaël va fréquenter bien sûr ces artistes qui sont déjà des espèces de gloire, hein, des légendes vivantes à cette époque. Léonard le reçoit plusieurs reprises dans son atelier. Et Raphaël, on peut dire que Léonard reçoit tous les beaux garçons d'une manière générale. Raphaël va notamment utiliser sa technique du sfumato, vous savez, cette espèce de façon qu'a de procéder Léonard avec le gras du doigt pour essayer d'estomper les lointains et de donner cette impression de brume vaporeuse qui s'enfonce littéralement dans le tableau pour créer une perspective évanescente comme ça, ce qui va faire la célébrité bien entendu des compositions de Léonard. Alors évidemment, vous l'aurez compris, la concurrence est très forte et Raphaël a du mal à faire sa place. C'est lui qui a voulu venir à Florence, on ne l'a pas forcé, mais là maintenant qu'il est dans la cour des grands, si je puis dire, évidemment la concurrence est très grande. Et pourtant, il a cette lettre de recommandation de Giovanni della Rovere, qui est proche du duc d'Urbino. Et cette lettre de recommandation s'adresse à Pierre Soderini, qui est gonfalonier de Florence, donc qui devrait normalement être capable de lui ouvrir toutes les portes. Voilà ce que nous dit Georges Charansol. Insensible à la sérénité, à la spiritualité de son art, on lui reproche sa jeunesse, sa fragilité, son goût excessif pour les femmes et pour l'argent. Et oui, finalement, il n'a peut-être pas que des qualités aux yeux des Florentins, ce nouvel arrivé, ce Raphaël. Donc, il manque un peu de commande, faut bien vous le dire. Après la chute des Médicis, le nouveau gouvernement de Florence va décider de faire décorer la grande salle du conseil du palais de la Seigneurie. Vous savez, le Palazzo Vecchio de Florence, que connaissent, j'imagine, un certain nombre de nos auditeurs, c'est un endroit tout à fait extraordinaire. Et il y a deux gigantesques murs qui se font face dans cette salle. Quand je dis gigantesque, hein, c'est aussi haut que long, et enfin, c'est vraiment gigantesque. Et donc, on va demander les deux grandes compositions pour habiller ces murs, ben, évidemment, aux stars de l'époque, si je puis dire, à Léonard de Vinci, à qui l'on commande de la bataille d'Anghiari, et à Michel-Ange, auquel on commande la bataille de Cascina. Alors, la bataille d'Anghiari de Léonard, à soi seul, ça ferait l'objet d'une émission, parce que ça a été une histoire. Vous savez, Léonard, d'abord, n'aimait pas vraiment les commandes, il n'était pas doué du tout pour la fresque, c'était un peintre à l'huile, hein, un peintre auquel il fallait tout le temps du repentir et de la méditation, en quelque sorte. Or, la fresque est un travail, au contraire, d'exécution rapide, donc ça n'était pas son domaine. Et puis, surtout, Léonard ne sait pas bien se débrouiller avec les grandes compositions. On a vu la catastrophe, si je puis dire, de ce chef-d'œuvre d'entre les chefs-d'œuvre qu'est la scène du monastère Santa Maria delle Grazie de Milan, où justement il n'avait pas été capable de faire une œuvre qui tienne, et c'est bien dommage pour nous d'ailleurs, puisque ce que nous avons aujourd'hui n'est qu'un pâle reflet de ce qu'a pu être le chef-d'œuvre initial. Eh bien, la bataille d'Anghiari, ça va être la même chose, ça va même être pire, puisque Léonard invente tout un procédé destiné à faire à lui permettre justement de retoucher sa composition, et donc le support n'est pas assez solide, et on dit, parce que c'est contesté, et de plus en plus contesté d'ailleurs, on dit que la bataille d'Anghiari s'est littéralement effondrée alors qu'elle était en pleine réalisation. En attendant, lui, le petit Raphaël manque de commandes, il ne sait pas trop quoi faire pendant ce temps, si je puis dire. Alors, il va se mettre à travailler pour un marchand du nom de Donia. Ça, vous savez, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est pas très glorieux. Évidemment, vous aviez les artistes de commande qui travaillaient pour de riches mécènes, généralement pour l'État, hein, pour des princes. Et alors ça, c'était le haut du panier en quelque sorte. Et puis quand vous n'aviez pas de commande, eh bien vous travailliez pour des marchands qui, eux, vendaient à des bourgeois. C'était forcément moins bien. Et que peint-il? Eh bien, il peint essentiellement des madones. Il peint la Vierge aux Chardonnerets, la Belle Jardinière, qu'on appelle la Belle Jardinière, c'est ça. La Madone Madone à la prairie, le mariage de la Vierge, la Dame à la licorne, enfin, etc. Bref, des compositions de belles femmes extrêmement figées, si je puis dire, dans une grâce et dans une beauté immarcessible. C'est déjà toute la spécificité de Raphaël qui éclate sur ces merveilleux tableaux qui, à l'époque, sont peut-être considérés comme de la peinture secondaire, mais qui vont bientôt s'inscrire au nombre des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, bien entendu. Mais puisque Florence n'a rien à offrir à Raphaël, eh bien Raphaël décide qu'il est grand temps de changer de crèmerie, si vous me passez l'expression. Il décide de quitter Florence et de partir pour l'autre capitale, alors là cette fois la capitale pontificale, la cour des papes. Le voilà parti pour Rome. Il arrive au Vatican en 1508, il a donc 25 ans, on lui a donné un certain nombre de contacts, il baigne, je vous le dis, depuis sa naissance hein, dans ce monde, dans ce milieu artistique. Il a l'adresse de Bramante et le grand architecte de Bramante qui est en train de travailler d'ailleurs à Saint-Pierre de Rome, et il a pour Bramante une lettre de recommandation, ce qui fait que Bramante le juge très capable. Il a pu d'ailleurs juger sur pièce, hein, il a vu un certain nombre des œuvres magnifiques de Raphaël, et il va le présenter à un certain nombre de cardinaux et très vite, disons-le, à celui qui est le grand mécène, le pape en personne, Jules II. À cette époque, le pape Jules règne depuis 5 ans. Alors, vous le connaissez, Jules II, bien entendu, vous savez que c'est celui avec qui Michel-Ange aura cette espèce d'interminable bras de fer. Hein. C'est le grand pape mécène par excellence, un amoureux des arts qui a fait détruire l'ancienne basilique Saint-Pierre pour la reconstruire sur une toute autre échelle, qui a commandé à Michel-Ange un tombeau qui ne sera jamais achevé et qui lui a surtout commandé, bien sûr, cet extraordinaire décor de la chapelle Sixtine, bien entendu. C'est lui, c'est Jules II. Et quand il voit Raphaël, Jules II se dit « Ben, tout ça, c'est peut-être un peu vaste pour notre jeune homme. Pour lui, j'ai beaucoup, beaucoup mieux à lui proposer. » Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du peintre Raphaël. Alors, le pape Jules II a formé pour Raphaël de beaux projets. Il faut vous dire que Jules II succède à un pape extrêmement célèbre, le plus célèbre peut-être de tous, Alexandre VI Borgia, vous savez, le pape Borgia qu'on voit dans les deux séries télé, là. Et qu'évidemment, il n'a pas envie, on peut le comprendre, étant donné la réputation de son prédécesseur, il n'a pas envie de s'installer dans les mêmes appartements. Alors lui réside dans de nouveaux appartements qui sont dans l'aile nord du palais pontifical. C'est une suite de grandes salles au deuxième étage, qu'il a décidé de faire décorer, ou plus exactement redécorer. Les salles, à l'époque, on dit les chambres, hein, donc c'est les stanze en italien, les chambres du Vatican, qui, pour certaines d'entre elles, sont déjà décorées de fresques de Piero della Francesca. Ça c'est tout le drame, c'est qu'il va falloir passer dessus, si je puis dire. On n'a pas du tout le sens des œuvres anciennes et de la conservation. À l'époque, ça n'existe pas, bien entendu. Avant de rencontrer Raphaël, le pape, il faut vous le dire, a déjà congédié des peintres de renom. Ce qu'on lui a proposé ne lui convient pas. Non, Raphaël devrait être complètement terrorisé. Eh bien, en fait, non, il n'est pas terrorisé du tout. Il va, au contraire, être exalté par la commande du pape. Alors, il faut vous dire qu'il ne travaille pas seul, bien entendu. À une époque, on travaille en atelier. Raphaël va recruter un atelier pour répondre à une commande d'une telle ampleur, avec des peintres, avec des aides, avec des apprentis, etc. Et d'ailleurs, pendant longtemps, les historiens de l'art ne vont pas trop savoir à qui attribuer les différentes parties hein, de ces grands décors. Qu'est-ce qui revient directement à Raphaël? Qu'est-ce qui doit être attribué à Giulio Romano pendant très longtemps? Ce qu'on l'appelle Jules Romain en français, comme l'auteur. Pendant très longtemps, on a pensé d'ailleurs que Jules Romain était le principal auteur des fameuses chambres du Vatican. Raphaël commence par la chambre de la signature. C'était l'ancien cabinet de travail du pape où se réunissait le tribunal du Saint-Siège pour signer les appels en grâce, d'où le nom de chambre de la signature. Et sur la voûte, il va évoquer la théologie, la philosophie, la justice, la poésie, etc. Il peint des fresques sur les parois, dont la plus célèbre, évidemment, est l'école d'Athènes, où on voit des philosophes, etc. Il y a même un autoportrait de Raphaël, bien sûr. Je ne résiste pas au plaisir de citer là André Chastel. Raphaël, nous dit-il, était l'interprète né de l'aspiration humaniste vers une humanité réconciliée et sereine, vers une fusion des sagesses et des formes de beauté qui n'étaient pas sans écho dans les milieux romains. Dans son art, issu d'une culture riche et consciente, s'opère le contact avec une antiquité d'âge d'or qui est aussi un répertoire de formes claires et de gestes expressifs. Les anciens et les modernes se sont étroitement associés. Et c'est vrai, j'aime bien l'expression « consciente ». Il y a quelque chose de profondément conscient dans cette peinture lumineuse, extrêmement pure, extrêmement calme et apaisée, si je puis dire, de Raphaël, qui peint les êtres et les choses dans une sorte de plénitude idéale, en fait. Je vous parlais tout à l'heure de Platon. On est vraiment dans cette espèce, dans cette lignée philosophique. Alors à partir de 1511, Raphaël va travailler sur un second cycle, la chambre d'Héliodore. Cette pièce étant réservée aux audiences privées du pape. Héliodore était un personnage du IIe siècle avant Jésus-Christ qui avait été chassé du temple de Jérusalem après avoir tenté d'en ravir les trésors. L'essentiel de ces fresques, ne nous y trompons pas, n'en est pas moins à la gloire du pape Jules II. Seulement, à cette époque, le pouvoir du pape est contesté. On est à ce moment où Bologne est en train de se soulever, on est même en train de créer un véritable schisme, pour tout vous dire. Et Jules II est pour le moins contesté. Il est bousculé, il va se battre, il va triompher, mais en 1513, il est déjà mort, si je puis dire, avant d'avoir même pu savourer sa victoire. Et son successeur, c'est Léon X. On se dit, ah, ça c'est toujours dangereux, évidemment. Lorsque le grand mécène vient à mourir, pour l'artiste, c'est terrible. Eh bien, pour Raphaël, ça ne change rien. Pour plaire au nouveau souverain pontife, partout où l'on avait des effigies de Jules II, elles sont remplacées par des effigies de Léon X, notamment dans cette dernière des fresques de la chambre d'Héliodore, qui s'appelle « La rencontre de Saint Léon et d'Attila ». Ça tombe bien, puisque le pape qui était allé au-devant d'Attila et des Huns s'appelait déjà Léon. Eh bien, d'un Léon à l'autre, tout va bien. Raphaël est désormais considéré non seulement comme le grand artiste, comme le préféré, comme le chouchou du pape, si je puis dire, mais comme un grand personnage de la Rome pontificale. Bonjour Serge Lega. Bonjour Franck. Alors nous allons achever, si je puis dire, la carrière de Raphaël. C'est pas très long puisque malheureusement le pauvre homme meurt très jeune à 37 ans. Et puis nous viendrons ensuite à son maître et à l'exposition qui lui est consacrée en ce moment même. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Magnificat, un extrait de Monteverdi. Nous parlons de Raphaël cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Serge Lega, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors Serge, il faut que nous achevions Raphaël, si je puis dire. Je l'ai laissé au sommet d'une faveur qui ne va cesser d'ailleurs de croître. Il est à la fois architecte, conservateur des antiquités, il est tout à il la est fois. Tout, il est tout. On peut vraiment dire que le pontificat de Léon X, c'est l'apogée de la carrière de Raphaël. C'est d'ailleurs plutôt étonnant, puisque Léon X est un pape Médicis. La logique aurait voulu que ce soit la revanche de Michel-Ange. D'ailleurs, Michel-Ange attendait beaucoup de Léon X, mais Léon X est totalement fasciné par le talent du jeune Raphaël, et évidemment, c'est lui auquel il confie tous les chantiers de Rome. Il y a une très grande différence entre Raphaël et Michel-Ange, entre autres, mais une qui est évidente, c'est que lorsque vous confiez un chantier à Michel-Ange, vous avez presque la certitude d'aboutir à un scandale. Michel-Ange fait surgir des profondeurs de l'inconscient des choses extraordinaires, alors qu'au contraire, chez Raphaël, vous êtes toujours parfaitement satisfait et lui ne bouscule rien, c'est ce qu'il Exactement. Faut dire. Exactement, et puis on est dans la différence totale, puisque Raphaël, c'est le champion de ce que l'on appelle la dolce maniera, la manière douce, et Michel-Ange, c'est le champion de ce que l'on appelle le côté terrible, la terribilità. C'est la manière rude, lui, oui, voilà, c'est la puissance, et c'est d'ailleurs totalement un univers étranger à ce que la papauté souhaite à ce moment-là. Ce qui explique peut-être pourquoi, par rapport à un Léonard, alors là, n'en parlons même pas, qui est nimbé de soufre et de mystère, et puis aussi par rapport à un Michel-Ange, Raphaël est un peu moins apprécié par notre époque, qu'il trouve peut-être un peu trop sage, d'une certaine manière. Oui, c'est d'ailleurs aussi le problème de Pérugin, d'une certaine façon, puisqu'on peut remonter, mettre en abîme un peu les choses. C'est exactement ça, c'est-à-dire que cet art paraît peut-être trop léger, trop doux, voire pour certains un peu mièvre, ce qui est complètement faux quand on regarde les œuvres, mais c'est la différence. C'est vrai que Léonard paraît plus intellectuel, Michel-Ange plus torturé, plus puissant. En fait, Raphaël, Raphaël, c'est l'esprit de la Renaissance. Je dirais que des trois, il est vraiment l'esprit de la Renaissance. D'ailleurs, une sorte de perfection classique. Ah, mais complètement. Quelqu'un qui l'avait parfaitement compris, je trouve que c'est la plus jolie phrase sur Raphaël, c'était l'écrivain allemand Goethe. Et Goethe disait, Raphaël a toujours fait ce que les autres rêvaient de faire. Ah, c'est quand même c'est la plus jolie phrase qui soit. C'est-à-dire que le moindre de ses traits est un accomplissement, est une forme de perfection. Et c'est cette sorte de plénitude que doit représenter la Renaissance. Cet âge d'or que l'on retrouve à l'image de ce qu'était l'âge d'or de l'Antiquité. Eh bien, au fond, Raphaël est là, vraiment le maître de la Renaissance. Alors, sagesse, plénitude, âge d'or, certes, mais une vie quand même bien, bien occupée, notamment avec sa maîtresse, la Fornarina. Ah oui, alors... Ce qui veut dire la boulangère en italien. C'est la fille du boulanger, très exactement. Alors, on a beaucoup, beaucoup glosé sur elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que de tous les portraits qu'on connaissait d'elle, un seul maintenant est considéré comme étant vraiment l'image de la Fornarina par Raphaël. C'est le tableau qui est conservé à Rome, à la Galerie Barberini, mais c'est le seul. Et effectivement, alors quelqu'un qui a fait des séries de gravures très osées, c'est Picasso qui a fait Les Amours de Raphaël, de la Fornarina. Alors ça, c'est extraordinaire à voir. On les voit au musée Picasso qui vient de réouvrir à Paris. C'est-à-dire que Raphaël est pinceau à la main, palette dans l'autre main, et pendant ce temps-là, il fait l'amour à la Fornarina. Donc c'est particulièrement l'esprit. Ça, pour Picasso, c'était le sommet. C'est-à-dire l'artiste même temps aime les femmes et profite pleinement du côté sexuel. En même temps, au sens propre du mot. Oui, ce qui est tout à fait extraordinaire. Alors, il y a cette anecdote assez terrible. On est tout à fait à la fin. Hein. On est en avril 1520. Raphaël reçoit un billet le convoquant d'urgence chez le pape. Alors là, bon, évidemment, il faut s'arrêter de faire tout ce qu'on était en train de faire. Il file donc sur le champ jusqu'aux appartements du pape. Il se met à courir pour ne pas être en retard. C'est très grand, le Vatican. Hein. Faut imaginer tous ces portiques, tous ces couloirs, ces antichambres gigantesques, etc. À un moment, il est complètement épuisé, il est en nage, il s'arrête dans une grande salle. Il essaie d'échanger quelques mots avec un cardinal qui se trouve là, et puis il y a cette transpiration qui lui colle des sueurs froides, vous savez, et il est pris de tremblements, d'un violent malaise. On est obligé de il est plié en deux d'un seul coup, on est obligé de le transporter chez lui. Il a une fièvre qui va finir par l'emporter quand même. Et qui l'emporte à 37 ans, ce qui est absolument hallucinant quand on voit tout ce que Raphaël a réalisé dans une carrière qui est une carrière qui se termine aussitôt, puisqu'il y a la peinture, il y a les décors dont vous avez parlé, Franck, pour le Vatican, il y a les projets d'architecture, la basilique Saint-Pierre de Rome, il y a tout le travail sur les antiquités de Rome, c'est absolument, et sans aucun doute, on peut penser aussi qu'il y a un côté épuisement dans la fin de vie de Raphaël, c'est quelqu'un qui est complètement épuisé par une tâche qui est une tâche bien au-delà des forces humaines. Il n'aura même pas le temps d'aller au bout de sa dernière grande peinture, qui faisait plus de 4 mètres de haut, hein, qui avait tant fasciné Poussin, la fameuse Transfiguration. La Transfiguration, tout à fait, est vraiment l'ultime chef-d'œuvre de Raphaël. Et Vasari dira, quand Raphaël mourut, la peinture disparut avec lui. Quand il ferma les yeux, elle devint aveugle. Vous imaginez quelle épitaphe. Quand Raphaël ferma les yeux, la peinture devint aveugle. Je trouve ça incroyable. Alors, c'est Vasari qui nous dit que tout de même, ce Raphaël, il avait un peu abusé de son corps et que le jour où il est tombé malade, il n'a pas osé dire aux médecins qu'il avait fait des excès. Je cite Vasari, il leur cacha les excès qui était la cause de sa maladie, de sorte que les docteurs le saignèrent abondamment et l'affaiblirent encore, alors qu'il aurait plutôt fallu le fortifier. Ben c'est ça peut-être aussi qu'il a tué. Ce sont les médecins qui l'ont tué. Ce que Franck, vous avez très bien dit au tout début, c'est qu'avec Vasari, il faut toujours quand même se méfier, parce que Vasari, il y a la part de vrai, puis il y a la part de fantasme et de choses que l'écrivain, avec beaucoup de talent, rajoute autour de la vie des artistes. Alors, ce Raphaël tellement célèbre, un certain nombre de ses œuvres se trouvent en ce moment même au musée Jacques Marandré, boulevard Haussmann. C'est pas le moment, il faut surtout pas rater ça, il faut aller les voir. Mais ses œuvres sont en petite minorité parce que La vedette de l'exposition, si je puis dire, ça n'est pas Raphaël, c'est son fameux maître, celui, rappelez-vous, qu'il avait découvert, dont il avait découvert l'atelier lorsqu'il était allé à Perugia, le fameux Pérugin. Pérugin. Alors Pérugin, justement, est un artiste que l'on remet actuellement vraiment à sa vraie place, c'est-à-dire celle d'un très grand maître, et pas simplement d'avoir été peut-être, moi je rajoute un petit bémol, puisqu'en fait nous n'avons aucune preuve matérielle du passage de Raphaël dans l'atelier de Pérugin. L'influence est totalement évidente quand on regarde les tableaux, mais Raphaël, nous n'avons pas pour lui de contrat d'apprentissage au sens matériel du terme par rapport à Pérugin. Ça, vous savez, c'est toujours en matière historique, on est très souvent confronté à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui paraissent absolument évidentes. Là, en l'occurrence, il y a dans l'exposition la superposition de deux près d'elle de retables qui montrent qu'il est quasiment impossible même de distinguer ce qui est de la main du Pérugin et ce qui est de la main de Raphaël. Donc là, la ressemblance est extraordinaire, la filiation est quasi revendiquée, mais, et c'est toujours le problème, on n'a pas de document historique, le document, qui le prouve. Absolument. Enfin, en tout cas, c'est un élève stylistique de Pérugin, ça c'est absolument incontestable. Voilà. Alors, ce Pérugin, nous allons ensemble parcourir sa carrière, en quelque sorte. Disons d'abord un mot de cette exposition, qui est tout ce qu'on aime, si je puis dire. C'est-à-dire que l'exposition en question, elle n'est ni trop brève, ni trop petite, ni trop longue. C'est pas ces espèces de grandes rétrospectives dont vous sortez sur les rotules. Elle est parfaitement dramatisée, scénarisée, si je puis dire. C'est-à-dire que chaque tableau, chaque œuvre raconte une histoire, montre quelque chose. On les a mis en regard, ces œuvres. On les a installées dans des portiques, dans des architectures. Là, il faut rendre hommage à Hubert Le Gall. D'Hubert Le Gall est absolument remarquable. Et en plus, l'on a ces lieux de passage qui se créent, le passage visuel d'une salle à l'autre, ce qui est tout à fait admirable et remarquable. Oui. Et c'est une exposition qui, à la base, est quand même une gageure, puisque, évidemment, Pérugin est un extraordinaire peintre de chevalet, ce qu'on peut voir dans l'exposition, mais Pérugin est aussi un très grand fresquiste. Et ça, bien sûr, on ne peut pas voir décors de la chapelle Sixtine réalisés par Pérugin. On ne voit pas le fameux Collegio del Cambio à Perugia, qui est quand même son chef d'œuvre absolue au tournant du 15e et du 16e siècle. Et donc, malgré ces absences obligatoires, l'exposition montre parfaitement le talent de l'artiste. Je vous rassure, Serge Le Gall n'est pas en train de réattribuer la voûte de Michel-Ange au Pérugin, mais il y a dans la chapelle Sixtine d'autres fresques qui sont de lui. Puisque Pérugin a travaillé avant Michel-Ange. Pérugin fait partie de la première équipe qui a été chargée à l'époque de Sixte IV de décorer la Sixtine. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, puisqu'on parle de Michel-Ange, c'est que le mur d'autel à l'origine était décoré par Pérugin. Et là, bien évidemment, les fresques ont été détruites quand Michel-Ange a réalisé son jugement dernier, beaucoup plus tard. Donc, toute une partie de l'œuvre de Pérugin a quand même disparu, puisque la partie la plus noble, le maître d'autel, avait été accordée à Pérugin. Ce qui montre qu'on lui donnait la primauté sur les autres artistes qui travaillaient avec lui, comme Botticelli ou Ghirlandaio pour le décor de la Sixtine. La beauté des expressions, la splendeur des compositions qui sont d'une perfection absolument incroyable, les architectures les plus inouïes avec une maîtrise de la perspective là qui atteint des sommets, un sens de coloriste également très très fort, un modelé quasiment incomparable. C'est un très grand artiste que nous donne à voir cette exposition du musée Jacques Marandré, un très grand artiste dont vous allez maintenant nous révéler la vie. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du peintre Raphaël et de son maître Pérugin, avec votre invité Serge Le Gall, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Et nous avons beaucoup de réactions, Franck, de nos auditeurs. Car nos auditeurs ont pour certains visité déjà cette exposition, le Pérugin, maître de Raphaël, au musée Jacques Marandré. L'exposition se tient jusqu'au 19 janvier prochain, donc il faut aller quand même assez vite. On aimerait qu'elle dure beaucoup plus longtemps, mais enfin, voilà, ça fait quand même, elle est ouverte depuis le 12 septembre, quand même. Geneviève nous dit, ça tombe bien, j'y vais justement cet après-midi. Eh bien, tant mieux, vous avez de la chance, Geneviève. Et puis, c'est Brigitte qui nous dit « J'ai été sous le charme et même bouleversé par un tableau représentant Marie-Madeleine qui m'a semblé aussi beau et énigmatique que la Joconde. » C'est vrai qu'il est fascinant, ce tableau. Et en plus, le parallèle est très juste de la part de notre auditrice, puisque c'est un tableau où l'influence de Léonard est tout à fait évidente. Donc, cette Marie-Madeleine a un travail, justement, très influencé par le sfumato de Léonard. Je vois que vous vous appropriez même les auditrices, maintenant, Serge. D'ailleurs, Audrey nous dit... Non, c'est pas pas Audrey, pardon, c'est qui me dit ? Si, c'est Audrey qui dit « Depuis le temps, j'espère que Serge Lega a au moins une place au parking d'Europe 1 ». C'est vrai que vous êtes un habitué, mais c'est pas ma faute si vous êtes un excellent conteur et si vous nous donnez à voir par les ondes de la radio toutes ces merveilles de peinture. Alors, qui était-il, ce Pérugin ? D'abord, c'est un chef d'atelier. Il faut bien insister toujours sur cette dimension collective. Et même une chose assez étonnante, ça sera un chef de deux ateliers, puisqu'il aura deux ateliers en parallèle. Alors, ce qu'il faudrait peut-être situer, ce sont ses origines. Sa date de naissance est tout à fait empirique. Il est né aux alentours de 1450. Alors, il n'est pas né exactement à Perugia, mais dans une petite ville qui s'appelle Città della Pieve, qui est juste à côté de Pérouse. Et, chose intéressante, contrairement à Raphaël, il n'est pas issu d'une famille d'artistes. Sa famille est une famille qui fait partie des notables de Città della Pieve, donc on n'est pas dans un monde à ce niveau-là artistique. Et Pérugin, bien sûr, va s'installer à Perugia, et c'est à Perugia qu'il va connaître sa formation. L'exposition d'ailleurs le montre très bien, dans un atelier assez modeste, qui est celui du peintre Bartolomeo Caporali, et on voit quelques tableaux de cet artiste dans l'exposition. Et puis alors, tout de suite, on change de degré de qualité, puisque de Caporali, on voit l'influence de grands maîtres. Un des premiers, c'est Piero della Francesca. Indéniablement, c'est un artiste qui compte énormément pour lui. Et les architectures, là, pour le coup. Et alors, tout le travail sur la scénographie, vous parliez de la perspective de Raphaël. On voit aussi à quel point, chez Pérugin, on trouve ces éléments-là. Et en 1472, notre artiste est à Florence. Des colonnes, des dallages, des façades, etc., qui travaillent l'espace. Il travaille l'espace d'une façon absolument admirable. Alors, tout à fait remarquable aussi, c'est que l'architecture laisse toujours une ouverture sur le paysage. Et les paysages sont peut-être parmi les chefs-d'œuvre de l'art italien de l'époque, même s'ils montrent une nette influence flamande. Avec des espèces de petits arbres tout en filigrane, d'une grâce extrême, on dirait peut-être des animaux marins, si je puis dire. Ces tout petits arbres très fins. Le tronc est totalement linéaire et le feuillage, une sorte de toupet de feuillage. Alors c'est une sorte de convention qui est la sienne. Alors ce qui est intéressant, c'est que le jeune Raphaël reprend ça. Par la suite, Raphaël étoffera la végétation, mais dans les tout premiers tableaux de Raphaël, on retrouve exactement cette signature de Pérugin. On parlait tout à l'heure du sfumato de Léonard et de ces espèces de lointains rocheux un peu bleutés. En l'occurrence, il y a des lointains du même ordre chez le Pérugin, mais alors ils sont habités par des architectures, ils sont humanisés d'une certaine manière. Ils sont humanisés et il y a une sorte de synthèse absolument parfaite entre des paysages où il y a cette sérénité très ombrienne, puisque l'ombre est vraiment une région d'Italie qui a cette qualité de douceur. Et dans les lointains bleutés, on trouve aussi tout le travail de la perspective atmosphérique que les peintres flamands ont donné en exemple aux Italiens. Pour les amateurs de mots croisés, on peut peut-être rappeler le vrai nom du Pérugin, parce que le Pérugin, c'est donc son surnom, qui est devenu son nom, bien sûr, peu à peu dans l'histoire de l'art. Mais il s'appelait Pietro Vannucci. C'est son vrai patronyme. Deux N. Et chose intéressante, nous parlions de l'évolution de sa carrière. Ce qui est donc très important aussi, c'est en 1472, quand il devient peintre indépendant, c'est-à-dire que là, la formation est terminée, et on le retrouve à Florence, et cette fois-ci en collaboration avec un des plus grands ateliers de Florence de l'époque, qui est celui d'Andrea del Verrocchio. Chose passionnante, où se trouve également Botticelli, où se trouve également Léonard de Vinci. Donc, c'est un atelier qui est vraiment une pépinière de talent et un rendez-vous absolument extraordinaire à ce moment-là. C'est incroyable d'imaginer qu'à la même époque vivaient tous ces très grands talents. Et ils travaillent ensemble, c'est absolument prodigieux. Et forcément, les influences sont des influences qui rejaillissent de l'un sur l'autre. Comment voulez-vous que ça n'ait pas fasciné toutes les cultures et tous les siècles ? C'est tout simplement extraordinaire. Alors, je disais, ce sont des peintres d'atelier. Il faut bien comprendre que nous avons affaire à des artistes, entre guillemets, collectifs. Et quand on se promène dans l'exposition du musée Jacquemart-André, on constate que certaines œuvres, notamment les plus petites, sont des espèces de perfection dans chacun de leurs détails. Et puis qu'au contraire, d'autres œuvres, peut-être un peu plus vastes d'ailleurs, sont un peu moins géniales, il faut bien dire. Et laissent la place effectivement à l'intervention des élèves. Et c'est aussi d'ailleurs tout à fait le même problème quand on étudie l'œuvre de Raphaël, où on voit très nettement des degrés de qualité. Ce qui explique d'ailleurs que ces dernières années, beaucoup d'œuvres de Raphaël ont été désattribuées et sont maintenant données justement à des élèves. Pour pour Pérugin, avec les nouvelles études que l'on fait sur lui, indéniablement, le problème va aussi se poser. Par exemple, un peintre qu'on connaît maintenant, qui est surnommé Andrea d'Assise, parce qu'il est connu dans la ville d'Assise, et sans aucun doute un peintre qui est présent dans certains des tableaux de l'exposition, en tout cas qui a participé à certains d'entre eux, évidemment avec un degré moindre de qualité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, on ne connaît pas encore, en tout cas pas bien, le chromatisme, et que le Pérugin, avant Raphaël, me semble-t-il, enfin moi je l'ai découvert en visitant l'exposition avec vous, mais on a bien l'impression qu'il avait déjà pris la maîtrise de ces jeux de couleurs, de ces juxtapositions de couleurs et de coloris, bien avant Raphaël. Et même une chose étonnante, c'est-à-dire qu'il a des audaces dans le monde de la couleur que peu de peintres peuvent avoir. Par exemple, petit détail qui moi m'intéresse toujours, dans certains tableaux, on voit qu'on sort de la gamme des couleurs fondamentales. Les couleurs fondamentales, le bleu, le jaune, le rouge, qui sont les trois couleurs que Raphaël utilisera aussi avec une prédilection toute particulière. Et bien, dans des œuvres, surtout les œuvres assez tardives de Pérugin, on voit que l'on ouvre sur des orangés, voire même jusqu'à une couleur que l'Occident n'a jamais beaucoup aimée, qui est le violet. On a des jeux tout à fait étonnants, oui, et un chromatisme somptueux qui ne sont absolument pas dans les traditions de l'époque. Des verts d'un tendre inouï qui finissent par se fondre dans cette fameuse délicatesse de glacis, c'est absolument sublime. Et c'est pour ça que personnellement je trouve que Pérugin et Raphaël, le terme qu'on a utilisé pour le de dolce maniera, manière douce, c'est vraiment la quintessence de leur talent. Alors, je disais que c'est un peintre d'atelier, c'est un peintre nomade aussi, il ne cesse de voyager. Alors, il a vraiment trois pôles, on en a déjà deux, puisqu'il est formé à Perugia, on le retrouve en 1472 à Florence, par la suite, pour la Sixtine, en 1480. Il va travailler pour les Médicis à Florence ? Alors, absolument, on a dans l'exposition un très joli tableau sur un sujet qui n'est pas du tout l'habitude de Pérugin, c'est un sujet mythologique. Alors ça, la carrière profane de Pérugin, en dehors des portraits admirables, est relativement limitée, et le petit tableau qu'on appelé Apollon et Marsyas, qu'on appelle maintenant Apollon et Daphnis, est sans aucun doute une commande de Laurent le Magnifique. Alors, cette série de grands mécènes, bien entendu, s'arrachent les talents de leur temps. Lui, il a travaillé pour pas mal de ces grands collectionneurs, notamment pour Isabelle d'Este. Ah oui, il faut et ça s'est pas très bien passé. D'abord, on sait qu'Isabelle d'Este n'était pas le commanditaire le plus facile qui soit pour les artistes. Et effectivement, quand elle fait décorer son fameux studiolo pour la ville de Mantoue, puisqu'elle est marquise de Mantoue, par son mariage avec l'un des Gonzague, et elle fait décorer ce studiolo, alors à la base, elle est obligée un peu de prendre l'artiste de sa belle famille, qui est Andrea Mantegna, mais très vite, elle veut imposer son goût, et elle va demander une peinture à notre Pérugin, qui est le combat de la chasteté et de l'amour, tableau qui est dans l'exposition, qui est normalement au Louvre. Tableau qui est un peu désordonné, il faut quand même bien dire. Qui est un peu touffu, qui est un peu dense, et qui a un autre problème. Étonnamment, et ça on ne sait pas pourquoi, c'est un tableau qui n'est pas à tempéra et non pas à l'huile, et Isabelle d'Este va détester le principe d'un tableau qui n'est pas dans la technique moderne de la peinture à l'huile, ce qui fait que Pérugin fera en tout et pour tout un tableau pour le studiolo d'Isabelle d'Este. Elle n'a pas aimé ce tableau qui lui a été livré en 1505, et elle va donc très très vite considérer que l'art de Pérugin n'est pas à sa place dans son studiolo. Mais on peut la comprendre, parce que lorsqu'on se promène dans l'exposition, c'est sans doute un des tableaux les moins attrayants. Et puis on voit que c'est un programme complexe, sophistiqué, où Pérugin est un peu bloqué dans les thématiques. Si vous passez l'expression, Serge, un petit peu prise de tête. Un peu prise de tête, c'est vrai. Alors que le Apollon et Daphnis, anciennement Apollon et Marsyas, est un tableau totalement solaire et une beauté. Là, on voit qu'il peut être un très grand peintre profane. Il y a des chefs-d'œuvre. Alors bon, là, ce ne sont pas des toiles, ce ne sont pas des tableaux profanes, puisque ce sont deux thèmes religieux que je vais évoquer maintenant. Mais il y a notamment une petite Annonciation, qui est un chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Et l'on rêve, parce qu'en plus, c'est un tableau qui est en collection privée. Et vous là, dire que vous on allez fantasme un jour. En se disant quelle merveille. Parce qu'effectivement, ça, c'est un bijou avec une lumière dorée extraordinaire, un fond de paysage une qui est un des plus subtils, l'élégance de la Vierge, la position très élégante également de l'archange Gabriel au pied de la Vierge. Tout ça est d'une beauté l'archange totale. L'archange est plus bas que la Vierge. Oui, il est en position d'humilité par rapport à la Vierge qui, elle, a une silhouette ondoyante, ravissante. Évidemment qu'on est dans la grande peinture italienne, on est dans des lignes très extrêmement étudié, dans des coloris forts et nets, dans des atmosphères qui, elles, sont limpides, mais et des architectures, bien sûr, très romaines, très latines. Mais en même temps, il y a quelque chose un peu là de la peinture flamande, dans le jeu sur les matières, Complètement. Et à la fois dans le traitement, effectivement, des matières, je le disais, dans le traitement du paysage. Alors, c'est peut-être le domaine où l'influence flamande est la plus forte, et ça nous donne des paysages d'une poésie, et en même temps, avec une pointe de sens naturaliste qui transcende justement ce qui pourrait être un art qui est un art un peu coupé de la réalité Tout ça arrive à un point d'équilibre absolument parfait. Il y a dans l'expo un Saint-Sébastien également qui est complètement extraordinaire. Ah, surtout que c'est un grand sujet de Pérugin. On peut regretter que le grand Saint-Sébastien du Louvre ne soit pas dans l'exposition. Celui dont vous parlez, Franck, c'est celui de la Galerie Borghese de Rome. Et c'est une merveille totale. Alors c'est un sujet très habituel à l'époque, puisque Saint-Sébastien est un saint pesteux, saint qu'on évoquait contre la peste. Donc la Renaissance l'a beaucoup fait triompher à l'intérieur des églises. Et c'est vraiment un des sujets dans lequel excelle Pérugin. Alors tout ça peut être un peu maniériste, un peu raffiné, disons, raffiné, un peu trop peut-être. Maniériste, je suis pas sûr, raffiné sans aucun doute. Ce qu'à une époque on va trouver comme un peu fade, justement, ça sera le discrédit de Pérugin. Et même des gens, personnellement, que j'admire beaucoup, comme Daniel Arras, ont eu des phrases assez dures disant que Pérugin, c'est le peintre du stéréotype. C'est-à-dire que tout est stéréotypé chez lui, il stéréotype l'architecture, il stéréotype la gestuelle, il stéréotype les impressions des personnages. Et je pense que ça, c'est une caricature. Au contraire, l'exposition montre à quel point chaque fois Pérugin arrive à traiter le thème d'une façon originale. Même ses Vierges à l'enfant coupées à mi-corps, qui sont quand même l'essentiel de son œuvre, bien chaque fois il y a une pointe originale. Le Pérugin, donc le maître présumé de Raphaël, est mort en février 1523. Il est mort de la peste. De la peste, absolument. Hein, dans le faubourg de Fontignano, on est tout près de Pérouse, justement. Oui, c'est là où se trouve sa tombe, dans l'ancien oratoire de l'église de la Santissima Annunziata. Il y aurait un certain nombre de chefs-d'œuvre à évoquer que nous n'avons pas évoqués. Ce que je peux faire, c'est vous renvoyer, évidemment, à l'exposition et à son superbe catalogue, car il faut aussi souligner la qualité de ce très très beau catalogue copublié par Culture Espace et le Fonds Mercator. Et oui, et puis peut-être donner l'envie à nos auditeurs, à vos auditeurs, mon cher Franck, de partir vers Pérugia, parce que s'il y a une ville qui est une ville magnifique, c'est Pérugia, et Pérugin avec le Collegio del Cambio y triomphe. J'allais dire allons-y, en tout cas allez-y. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question d'Amandine. Cet après-midi, elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1 et demande quelle est l'origine de la Sainte Barbe. Alors cette Barbe, elle s'appelait Barbe, la pauvre. Elle vivait au 3e siècle à Nicomédie en Asie mineure. Elle a reçu toutes sortes de demandes en mariage. Et son père, qui s'appelait Dioscor, qui était un païen évidemment, décide de la marier à un homme lui-même païen. Elle refuse, on l'enferme dans une tour et c'est un prêtre chrétien, bien sûr, qui va venir déguisée en médecin, la baptisée. Elle est donc convertie au catholicisme. Son père est furieux. Il met le feu à la tour où se trouve sa propre fille, vous imaginez. Et évidemment, elle arrive à se sauver. Mais il y a un berger qui va découvrir la cachette, qui avertit le méchant père. Celui-là la livrera au gouverneur romain de la province. Elle est donc torturée. Elle refuse toujours d'abjurer sa foi. Alors on la décapite. Ça, c'est pour le martyrologue. Mais sachez que cette Sainte Barbe est donc, avec son feu et tout ça, elle est la patronne des artificiers, des armuriers, des artilleurs, des sapeurs-pompiers, mais aussi donc de l'école polytechnique, de l'école des mines. Bref, elle est la sainte du feu et du génie, si je puis dire. Et c'est pour ça que ça va bientôt détonner aux Invalides, parce que ce week-end, là, samedi et dimanche, le musée de l'armée à l'hôtel des Invalides va fêter Sainte Barbe avec toutes sortes de manœuvres de canons, etc. Ah, ça fait toujours, ça vous fait rire, Sainte-Barbe, vous. Oui, c'est vrai que ça explose un peu. Hein. J'ai peut-être pas fait une présentation très catholique, vous allez me dire. Mais bon, vous vouliez savoir qui était Sainte-Barbe, et ben maintenant. Oh, et puis la barbe.